Bonjour et bienvenue à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Je suis Vincent Michel, le directeur d'établissement. Et je suis vraiment tout content de pouvoir venir ouvrir ce second séminaire, Marcher en ville, parce que j'aurais beaucoup aimé être au premier sur les espaces de la marche, mais j'ai été retenu ailleurs. Et je suis content de venir parce que je trouve toujours plaisant et important que l'école puisse être au croisement de diverses disciplines, de divers milieux. Et là, je constate parmi vous un public extrêmement hétéroclite, mais en même temps motivé par une même problématique, un même ensemble de questions, donc vraiment, vraiment bienvenue. Et puis, c'est toujours bien de venir en appui cette grande idée mixte de recherche du CNRS sur les ambiances architecturales et urbaines et sur le Cresson, et d'être en appui du Cresson, de son équipe, de Grégoire Chelkov, son directeur, et de Rachel Thomas, qui pilote et qui a mis en place ce séminaire Marcher en ville, qui est soutenu par le bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère du ministère de la Culture et de la Communication. Voilà, j'en dirai pas plus. Je vais rester avec vous ce matin pour profiter des deux intervenants qui sont parmi nous. Anne Jarigeon, excusez-moi, le design graphique de l'affiche masque hautement, désolé. Et Jean-François Pierson. Et là, c'est peut-être mes yeux qui me trahiraient si j'avais mal lu. Voilà, Grégoire, Rachel, à vous de lancer cette matinée de travail. Bon, écoutez, je passerai la parole très rapidement à Rachel Thomas, et pas prendre plus de retard que ce qui on est déjà là. D'abord, on pourrait dire c'est pour nous un plaisir de tenir ici ce séminaire dans une école d'architecture qui est accueillante pour la recherche. Je pense que c'est une forme importante de rencontre que de tenir ce genre de séance de travail. Je rappellerai que le laboratoire Cresson qui organise et qui a choisi ce thème et qui est là confié à Rachel Thomas qui mène cela avec brio, puisque les trois séances ont de plus en plus de public, ce qui est un bon signe. Le laboratoire Cresson appréhende les espaces construits et les milieux physiques à travers leurs pratiques, qui sont aussi d'une certaine manière constitutives des objets que nous traversons. La marche est une forme ordinaire de pratique, et pour nous l'enjeu peut-être, c'est de peut-être mieux appréhender ces formes de pratique, mais aussi en se demandant comment produire peut-être des espaces moins déterminés, dans lesquels l'homme a la possibilité de rester disponible, de poursuivre à vive allure sa marche, dans le tracas parfois, mais aussi dans le fracas. Et peut-être en échappant au divertissement programmé, voire une certaine fébrilité culturelle, excusez-moi, je m'engage un peu là, et en évitant un design qui fait parfois de nous des spectateurs plutôt que des acteurs. Voilà, la voie est étroite, sans faire de métaphore, hein. Il n'y a pas de chemin, il faut marcher, et donc c'est en promeneur sensible, j'espère, mais aussi engagé, qu'on va aborder cette journée. Voilà. Je te passe la parole, Rachel Thomas, et merci encore de nous rappeler les éléments.